Un coup de pouce de mamie. Un jour, maman dit à Ellie, « Mamie dort ici ce soir. Elle va dormir dans ta chambre. Peux-tu faire le ménage, s'il te plaît? » Ellie entre dans sa chambre. Hop! Il lance les chandails, les chapeaux et les pantalons dans le placard. Hop! Il lance les livres, le bâton et les balles sous le lit. Mamie arrive. Tu peux dormir dans ma chambre, dit Ellie. Mamie regarde dans le placard. Oh, dit-elle. Mamie regarde sous le lit. Oh, oh, oh, dit-elle. Mamie va dehors. Elle revient avec des boîtes. Elle met une affiche sur la porte. Ne dérangez pas, mamie. Je vais bien m'amuser, dit mamie. Mamie peint les boîtes. Elle peint des étiquettes sur les boîtes. Mamie va chercher Ellie. Viens voir ta chambre, dit-elle. Oh, dit Ellie. Merci, mamie. J'aime ces boîtes. Ta chambre restera en ordre maintenant, dit mamie. Mamie retourne chez elle. Ellie va dans sa chambre et hop, il lance ses chandails, ses chapeaux et ses chaussettes dans une boîte. Super, dit Ellie.